Le Brahman est l'incarnation éternelle de la justice. En venant au monde, il est placé au premier rang sur cette terre. Souverain, seigneur de tous les êtres. Il doit veiller à la conservation du trésor des lois civiles et religieuses. Loi de Manu, Brahmanisme, Inde.